Ok, ouais, eh. Je suis des rebelles et des incorruptibles, ouais. De ceux qui trouvent la liberté et l'honneur comme des valeurs encore utiles. De ceux qui jamais ne jettent les bombes. Même si le système nous kill, ils veulent qu'on plie nos valises et qu'on dégage sans broncher d'ainsi. Les portes nous routent coups, nous maltraitent, il en est ainsi. Mais rien à foutre, ça régénère bien mon inspi. Loin de montrer l'exemple, c'est dans l'excès de zèle que j'excelle. Pas de rime exquise quand je m'exprime, un seul extrait de haine. L'Occident veut mettre nos pays à feu et à sang. Mais ça va sans dire, ça sent l'incendie lorsqu'on se rassemble. Irascible envers les racistes blasés, ceux qui nous déracinent. Nous assassiner qui aimerait tellement nous terrasser. C'est le feu qu'on est venu embraser. Sans aucune embrassade, t'as l'amertume, c'est vraiment dur de s'en débarrasser. Les porteurs de brassards veulent éteindre le brasier. Mais je lâcherai pas l'affaire, même si j'ai les bûches brisées. Inimitable sur l'écriture, regarde bien ce qu'on effectue. On est comme lorsqu'un flic tue, on est tout sauf affectueux. Rien d'extra dans les extraits de vie que je délivre. Car c'est dans l'excès que mes gars délirent, frère. Nos vies sont délicates. Inimitable sur l'écriture, regarde bien ce qu'on effectue. On est comme lorsqu'un flic tue, on est tout sauf affectueux. Rien d'extra dans les extraits de vie que je délivre, car c'est dans l'excès que mes gars délirent, frère. Nos vies sont délicates. Toujours sur la défensive, d'un air défoncé. Les gars de mon coin sont rarement pensifs, même avant de pioncer un pilon pour calmer les ardeurs. Sur les sentiers du vice, se retrouvent professionnels ou amateurs. C'est pas du rap immature que je te fournis. Y'a rien d'amical, rien qui fasse bander les jeunes. Pas grand chose de formidable. Pour rendre nos vies intéressantes, crache mes poumons sur une méchante prod. Signer les incorrupts records, toujours donner du fil à retordre aux forces de l'ordre. Des morceaux de bitume entre les gencives. À force de mort, j'en ai ras le cul de racler ma gueule sur le béton comme une raclure en attendant que les mentalités changent. C'est tellement tentant pour les grosses putes de tes champs en croyant qu'elles déchirent, que les traites se vendent aussi de manière docile sans réfléchir. J'suis perdu dans les ténèbres, à l'aveuglette j'pénètre dans l'arène, te remets en question sur l'esclavage des nègres. Car les tiroirs de l'État sont pleins de cadavres, les têtes sans corps, victimes de la méchanceté, les hommes sans cœur. Rien que ça parle de pleurs, de guerre, de rancœur dans mon récital. Génocide tiers-monde, c'est la mort qui tient le rôle principal. Inimitable sur l'écriture, regarde bien ce qu'on est. On est comme lorsqu'un flic tue, on est tout sauf affectueux. Rien d'extra dans les extraits de vie que je délivre, car c'est dans l'excès que mes gars délirent, frère. Nos vies sont délicates. Inimitable sur l'écriture, regarde bien ce qu'on effectue. On est comme lorsqu'un flic tue, on est tout sauf affectueux. Rien d'extra dans les extraits de vie que je délivre, car c'est dans l'excès que mes gars délirent, frère. Nos vies sont délicates. Militant, c'est pas jouer les fidèles Castro sur un plateau. C'est un état d'esprit, si tu t'investis dedans, c'est à plein pot. Le rap c'est comme un moulin, comme la schneck d'une garce. Tu rentres, tu sors facilement comme un poseur de bombes dans une. Moi j'ai pas demandé d'aide ni à ce qu'on me verse des thunes. Dès qu'une embrouille s'engage, moi je fonce, je m'en bats les burnes, je te le dis cash mec. La vie est trop courte pour que je m'arrête, trop de soucis dans la tête m'empêche d'y voir plus clair. Certains rap pour plaire, d'autres pour la gloire te font croire que c'est la guerre. Parle inutilement, ils nous pourront plaire. Sur ma tête qui veulent qu'on crève, la gueule ouverte. Mais je vais pas leur laisser l'occasion de me la faire à l'envers. Je fonctionne pas au tasse pour être speed. Je vais te dire si ton contrat expire. T'arrives au bout du rouleau, un conseil respire. Mat, comment je transforme chaque rime en tuerie avec un style d'indé qui se cache jamais derrière une vie teintée. Je suis un beat et un thé, que je te résume la situation. La France te laissera pas en paix, même si tu assures à fond de cinquième dans une impasse. La tête sur les épaules, je kiffe les sons épaules qui transportent de la crasse. Jet, un de ces galériens en manque de chance pour l'instant. C'est la résistance à chaque son, rien de bouleversant que du sang versé pour des causes perdues d'avance. Les lyrics intenses qui parlent à tous du rap qui sait parler au peuple du gouffre.